Les éditions La Fille d'à côté présentent Faustine, une saga biographique. Tome 1, Faustine ou la joie de vivre, par Christina Schwab. Prologue. Faustine pourrait être une simple biographie. De l'anecdote, certes, mais remise dans le contexte des époques couvertes. L'héroïne est ainsi un miroir promené dans l'Europe des Trente Glorieuses. Ce regard féminin est porté sur un monde occidental de la seconde moitié du XXe siècle. On le dit volontiers fastueux, mais le parcourir est un périple. Faustine a 6 ans au début de ce premier tome qui se termine à l'aube de ses 20 ans. Entre 1962 et 1976, à l'instar du monde qui l'entoure, elle traversera bien des remous. C'est une petite fille curieuse, émerveillée, rabrouée. Une fillette transbahutée, déracinée, une adolescente soumise à la raison du plus fort. Puis une jeune femme, libre et amoureuse, aux portes d'un bonheur trop vite interdit. Une biographie au plus proche de la mémoire de l'auteur. On y rit, on y pleure, on évolue, on savoure, on s'y retrouve, on ne s'ennuie jamais.